Section 18 de Le dossier 113 par Émile Gaborio. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Lu par Bidou. Chapitre 18. Ce n'est pas sans les plus grands périls, sans des peines infinies, que Gaston de Clameran, en quittant Valentine, avait réussi à fuir. Jamais, sans le dévouement et l'expérience de son guide, le père Menoul, il n'aurait trouvé le moyen de s'embarquer. Ayant laissé à Valentine les parures de sa mère, il possédait pour toute fortune 920 francs. Et ce n'est pas avec cette pauvre somme qu'un fugitif qui vient de tuer deux hommes paye son passage à bord d'un bâtiment. Mais Menoul, vieux matelot, était homme d'expédient. Pendant que Gaston restait caché dans une ferme de la Camargue, Menoul avait gagné Marseille et, dès le premier soir, courant les cabarets que fréquentent les matelots, il avait appris qu'il se trouvait en rade un trois-mâts américain dont le commandant, M. Wars, un marin sans préjugés, se fera un vrai plaisir de donner asile à un gaillard solide qui lui serait utile à la mer sans s'inquiéter de ses antécédents. Ayant visité le navire et bu un verre de rhum avec le capitaine, le père Menoul était revenu trouver Gaston. « S'il s'agissait de moi, lui dit-il, j'aurais mon affaire, mais vous, ce qui vous conviendrait me convient. C'est que, voyez-vous, il vous faudra trimer dur. Vous serez matelot, quoi. Et, pour tout dire, le bateau ne m'a pas l'air des plus catholiques. Et le patron me fait l'effet d'un fier sacripant. « Il n'y a pas à choisir, répondit Gaston. Partons !» Le flair du père Menoul ne l'avait pas trompé. Il suffit à Gaston d'un séjour de 48 heures à bord du Tom Jones pour être sûr, à n'en pouvoir douter, que le hasard venait de le jeter au milieu d'une remarquable collection de bandits de la pire espèce. L'équipage, recruté un peu partout, était comme un échantillon de coquins de tous les pays. Mais que lui importaient ces gens, parmi lesquels il était condamné à vivre pendant des mois? C'est son corps seul que le navire emportait vers des pays nouveaux. Sa libre pensée se reposait sous les frais ombrages du parc de la Verberie, près de sa bien-aimée Valentine. Quelle est-elle devenir la pauvre enfant, maintenant qu'il ne serait plus là pour l'aimer, pour la consoler, pour la défendre? Heureusement, il n'avait ni le loisir, ni la force de réfléchir. Ce qu'il y avait de plus affreux dans sa situation présente, il ne le sentait pas. Obligé au rude apprentissage du métier de matelot, il n'avait pas trop de toute son énergie pour résister à des labeurs exorbitants, pour qui n'en a pas, dès l'enfance, contracté l'habitude. Là fut son salut. La fatigue physique calmait et engourdissait les douleurs morales. Aux heures de repos, lorsque brisé, rompu, il lui était permis de s'étendre sur son cadre, il s'endormait. Si parfois, avec une anxiété poignante, il s'efforçait d'interroger l'avenir, c'était aux heures de quart, la nuit, quand le temps était beau, que la voilure ne réclamait aucune manœuvre. Il avait juré qu'il reviendrait avant 3 ans. Et qu'il reviendrait assez riche pour satisfaire les exigences de Madame de la Verberie. Pourrait-il tenir cette promesse présomptueuse? Si le désir a des ailes, la réalité se traîne lentement terre à terre. Or, d'après tout ce qu'il entendait dire autour de lui, il n'était pas précisément sur le chemin de cette fortune tant souhaitée. Le Tom Jones faisait peut-être voile pour Valparaiso, mais il prenait à coup sûr pour y arriver le chemin le plus long. C'est que le capitaine Worth se proposait de visiter le golfe de Guinée. Un prince noir de ses amis, disait-il en riant d'un large rire, l'attendait dans les environs de Balagri pour lui confier, en échange de quelques pipes de rhum et d'une centaine de méchants fusils à pierre, toute une cargaison de bois d'ébène. Pour tout dire, Gaston de Clameran servait en qualité de novice sur un de ces navires, comme on armait alors, par centaines tous les ans, la libre et philanthrope Amérique pour la traite des Noirs. Cette découverte emplit Gaston de colère et de honte, mais il fut assez sage pour dissimuler ses impressions. Toute son éloquence n'aurait pu dégoûter le digne capitaine Worth d'un trafic dont les profits dépassaient 100%, en dépit des croiseurs français et anglais, malgré les avaries de la cargaison et une foule d'autres risques encore. Si les hommes de l'équipage avaient pour Gaston une considération relative, c'est que l'histoire des coups de couteau, racontée par le père Menoul au capitaine, avait transpiré. Laisser voir ses opinions, c'était se créer sans nécessité ni utilité une situation impossible. Il se tut, se jurant bien qu'il déserterait dès que se présenterait une occasion à peu près favorable. Le malheur est que cette occasion, comme tout ce qu'on attend avec impatience, ne venait pas. C'est qu'au bout de 3 mois, M. Worth ne pouvait plus se passer de Gaston. Lui ayant reconnu une intelligence supérieure, il l'avait pris en amitié. Il le faisait manger à sa table. Il avait, à l'entendre causer, un plaisir infini. Il le forçait à faire sa partie de piquet. Si bien que le second du navire étant venu à mourir, Gaston fut choisi pour le remplacer. Et c'est en cette qualité qu'il fit 2 voyages successifs au golfe de Guinée. C'est comme second qui l'aida à enlever un millier de nègres en deux fois, à les arrimer, à les surveiller pendant les traversées de 1200 ou 1500 lieues, et enfin à les jeter clandestinement sur les côtes du Brésil. Il y avait plus de 3 ans que Gaston s'était embarqué à Marseille, lorsqu'enfin le Tom Jones, ayant relâché à Rio Janeiro, il put se séparer du capitaine Worth, un digne homme après tout, et qui jamais ne se serait résigné à ce diabolique et répugnant commerce de chair humaine sans sa petite Marie, un ange, qu'il voulait doter magnifiquement. Ses voyages avaient au moins profité à Gaston. Il possédait tout près de 12 000 francs d'économie lorsqu'il toucha le sol du Brésil. La preuve que le trafic du capitaine Worth répugnait à tous ses généreux instincts, c'est qu'il le quittait juste au moment où, possédant un petit capital, il pouvait lui aussi réaliser de superbes bénéfices. Mais déjà, ce n'était plus le noble et fier Gaston, si candide et si ignorant du mal, qu'avait aimé jusqu'à l'abandon de sa personne la petite fée de la verberie. On nie vainement l'influence délétère de certains milieux. Il est de ces contacts qui, à la longue, désorganisent les âmes le plus solidement trempées. De même que le vent, la mer, le soleil avaient bruni d'abord puis durci sa peau, de même la société de ses compagnons et leurs discours avaient froissé puis altéré la délicatesse de ses sentiments. Il avait au cœur quelque chose des callosités de ses mains de matelot. Il se souvenait encore de Valentine, il la voulait toujours, mais si elle était la plus aimée, elle n'était plus la seule femme. Cependant, les 3 ans fixés par lui-même pour son retour étaient passés. Mais peut-être Valentine l'avait-elle attendu. Avant de rien entreprendre, il écrivit à un de ses amis, en qui il pouvait avoir toute confiance et qui habitait Beaucaire. Il avait soif de nouvelles de son pays, de sa famille, de ses amis. Il écrivit aussi à son père, auquel il avait essayé, toutes les fois qu'il en avait trouvé l'occasion, de faire parvenir des lettres. Ce n'est que dans l'année suivante qu'il reçut une réponse de son ami. Du même coup, cette réponse lui apprenait que son père était mort, que son frère Louis avait quitté le pays, que Valentine était mariée, et enfin que lui, Gaston, il avait été condamné à plusieurs années de prison, pour meurtre. Cette lettre l'atterra. Désormais, il était seul au monde, sans patrie, déshonoré par un jugement. Valentine mariée, il ne voyait plus de but à sa vie. Il se dit qu'il ne fallait plus croire à rien, puisqu'elle, Valentine, elle l'avait renié, oublié, puisqu'elle n'avait pas eu la force de garder ses serments, la patience de l'attendre. Dans son désespoir, il regrettait presque le Tom Jones. Oui, il regretta le sinistre équipage négrier, sa vie d'aventure et d'émotion, les périls et les triomphes de ces audacieux forbans qui meurent sur des sacs de dollars ou à 20 pieds en l'air, accrochés au bout d'une vergue. Mais il n'était pas homme à se laisser abattre. « Gagnons donc de l'argent !» s'écria-t-il avec rage, « puisqu'il n'y a que l'argent, ici-bas, qui ne trompe jamais. » Et il se mit à l'œuvre avec une âpre activité, fouetté chaque matin par une volonté nouvelle. Tous les moyens de fortune qu'offre aux aventureux l'Empire du Brésil, Gaston les tenta. Tout à tour, il spécula sur les pots, il exploita une mine, il tenta des défrichements. 5 fois, il se coucha riche et se réveilla ruiné. 5 fois, avec la patience du castor, dont le courant emporte la hutte, il recommença l'édifice de sa fortune. Enfin, après de longues, bien longues années de lutte, il possédait près d'1 million réalisables et de vastes étendues de terrain. Il s'était dit que jamais il ne quitterait le Brésil, qu'il finirait ses jours à Rio. Il comptait sur cet amour du sol natal, qui jamais ne s'éteint dans le cœur d'un Français. Riche, il voulut mourir en France. Aussitôt, il fit les démarches indiquées par sa situation. Il s'assura que, rentrant, il ne serait pas inquiété, réalisa ce qu'il put de son avoir, confia le reste à un correspondant et s'embarqua. Il y avait 23 ans et 4 mois qu'il avait fui lorsque, par un beau jour de janvier 1866, il mit le pied sur les quais de Bordeaux. Il était parti jeune homme, le cœur gonflé d'espérance. Il revenait avec des cheveux blancs, ne croyant plus à rien. Même sa santé, dès son arrivée, se ressentit des orages de sa vie et d'un brusque changement de climat. Un rhumatisme articulaire le terrassa, et ce n'est qu'après plusieurs mois de souffrance qu'il put gagner la station des eaux chaudes où, lui disaient ses médecins, il retrouverait la santé. Guéri, il comprit que l'inactivité le tuerait. Et comme il avait été séduit par les magnificences des Pyrénées, comme il s'y était épris des splendeurs de la vallée d'Aspe, il résolut de s'y fixer. Une usine était à vendre, près de l'Oron, sur les bords du Gave. Il l'acheta, songeant à trouver un moyen pour utiliser les immenses quantités de bois qui, faute de moyens de transport, se perdent dans les montagnes. Il était installé depuis quelques semaines déjà, lorsqu'un soir son domestique lui remit la carte d'un étranger qui désirait le voir. Il prit cette carte et lut « Louis de Clamerand ». Il y avait bien des années, que Gaston n'avait été remué par une émotion pareille. Tout son sang affluait à son cerveau. Il frémit et chancela comme l'arbre frappé de la cognée. Tous les sentiments qu'il croyait morts en lui éclataient avec une violence inouïe. Mille pensées, trop confuses pour être exprimées, se présentaient à la fois à son esprit, de même que les mots se pressaient sur ses lèvres. « Mon frère » s'écria-t-il enfin. « Mon frère !» Et laissant là son domestique tout ébahi, quelque peu effaré même de l'exaltation de son maître, il se lança dans les escaliers. Au milieu du vestibule, un homme, Louis de Clameron, se tenait debout, attendant. Gaston se précipita vers lui, et après l'avoir serré entre ses bras à l'étouffer, il l'entraîna, ou plutôt il l'emporta dans le salon. Là, il le fit asseoir, s'asseyant lui-même en face, le plus près possible, pour le mieux voir, pour le contempler plus à l'aise. Il lui avait pris les deux mains et les gardait dans les siennes. « C'est toi !» répétait-il, parlant très haut, comme pour mieux s'entendre, pour se bien prouver la réalité. « Toi, mon bien-aimé Louis, mon frère, toi, c'est toi !» Une mère, revoyant son fils, soldat après une bataille, ne s'abandonne pas plus follement à son délire. L'expansion de sa joie n'est pas plus bruyante. Gaston, cet homme dont la vie avait été comme une continuelle tempête, ne se possédait plus. Lui, l'aventurier, le second du redoutable capitaine Worth, le chercheur d'or des mines de Villa Rica, il pleurait et riait tout ensemble. « Je t'aurais reconnu !» disait-il à son frère. « Oui, je t'aurais reconnu !»« Va, l'expression de ton visage n'a pas changé. Tu as bien le même regard. Ton sourire est toujours ce qu'il était jadis. » Louis souriait, en effet, peut-être comme il avait souri cette nuit fatale, où la chute de son cheval avait livré Gaston. Il souriait, lui aussi. Il avait l'air heureux. Il paraissait ravi. C'est qu'il lui avait fallu tout son courage, toute sa volonté, le sentiment d'une nécessité terrible pour se présenter ainsi. Une de ses angoisses à faire blanchir les cheveux d'un homme le pénétrait lorsqu'il avait soulevé le marteau de la porte de Gaston. Ses dents claquaient de peur lorsqu'il avait dit au domestique, en lui tendant sa carte, « Portez ceci à votre maître !» Et, en attendant le retour de ce domestique, dont l'absence lui avait paru durer des siècles, il se disait « Est-ce bien lui ? Et si c'est lui, c'est-il ? Se doute-t-il ? » Si grande était son anxiété, qu'au moment où il avait aperçu Gaston descendant l'escalier avec la rapidité de l'ouragan, il avait eu la tentation de fuir. S'il n'avait pas prononcé une syllabe, s'il était resté muet, glacé, comme pétrifié, c'est qu'il s'était demandé avec quelle intention Gaston se précipitait ainsi vers lui. Maintenant qu'il voyait bien que Gaston était resté le même, bon, confiant, crédule, maintenant qu'il était presque certain que pas un soupçon n'avait effleuré l'esprit de son frère, il se rassurait. Et il souriait. « Enfin, poursuivait Gaston, je ne serai donc plus seul dans la vie. J'aurai quelqu'un à aimer, quelqu'un qui m'aimera. » Il s'interrompit. Puis, brusquement, avec cette incohérence d'idées de toutes les émotions fortes qui rompent l'équilibre du cerveau, « Es-tu marié ? » interrogea-t-il. « Non. Tant pis, oui, tant pis. J'aurais voulu te voir le mari de quelque bonne femme bien dévouée. Je voudrais te savoir père de braves et beaux enfants, comme j'aurais ouvert mon cœur à deux battants à tout ce monde-là. Ta famille aurait été la mienne. Ce doit être si bon, la famille, si doux. Vivre seul, sans une femme adorée qui partage les tristesses et les joies, les épreuves et les succès, ce n'est pas vivre. N'avoir à penser qu'à soi, quelle tristesse. Mais qu'est-ce que je dis là, je t'ai, n'est-ce pas assez? Louis, j'ai donc un frère, un ami avec qui je puis causer tout haut, comme je cause tout bas avec moi-même. Oui, Gaston, oui, un bon ami. Parbleu, j'ai tué mon frère. Ah, tu n'es pas marié? « Eh bien, nous ferons ménage tous les deux. Nous allons vivre en garçon, en vieux garçon, heureux comme des dieux. Nous nous amuserons, nous ferons nos farces. Tiens, quelle idée! C'est toi qui me rajeunis. Il me semble que je n'ai plus que 20 ans, que je suis leste et vigoureux, comme en ce temps où je traversais le Rhône à la nage, il y a longtemps de cela pourtant. Et depuis j'ai lutté, j'ai souffert, j'ai cruellement vieilli, changé. Toi, interrompit Louis, tu as moins vieilli que moi. Quelle plaisanterie! Je te le jure, tu m'aurais reconnu. « Parfaitement, tu es resté toi. » Louis disait vrai. Il paraissait, lui, usé plutôt que vieilli. Mais Gaston, en dépit de ses cheveux gris, malgré son teint qui avait pris au soleil du Brésil des tons de brique, était bien l'homme robuste dans la force de l'âge, dans la pleine maturité de sa mâle beauté. Pendant que sur la pâle figure de Louis errait un côte le sourire, mal éclairé par des yeux inquiets, le regard de Gaston étincelait et la franchise éclairait son visage ouvert. « Mais comment m'as-tu retrouvé ?» demanda Gaston. « Quelle bonne pensée ! Quelle fée bienveillante t'a guidé jusqu'au seuil de ma maison ?» Cette question, Louis l'avait prévue. Pendant 18 heures qu'il était resté en chemin de fer, il avait eu le temps de préparer ses moyens. C'est la Providence, répondit-il, qu'il faut remercier de notre réunion. Il y a 3 jours, à mon cercle, un jeune homme qui arrive des Aubonnes me dit qu'il a ouï parler aux Pyrénées d'un marquis de Clameran. Tu conçois ma surprise. Je me demande quel faussaire se permet de porter notre nom. Aussitôt, je cours au chemin de fer, je prends un billet et me voici. Tu ne pensais donc pas à moi ? Eh, pauvre frère, il y avait 23 ans que je te croyais mort. Mort, moi ? Ah, ça, mademoiselle de la Verberie, Valentine, ne vous a donc pas fait savoir que j'étais sauvé ? Elle m'avait juré qu'elle irait trouver notre père. Louis prit cet air navré d'un homme forcé, bien malgré lui, de révéler une lamentable vérité. « Hélas ! » murmura-t-il, « elle ne nous a rien fait dire. » Une bouffée de colère passa comme l'éclair dans les yeux de Gaston. Peut-être l'idée lui vint-elle que Valentine avait été heureuse de se débarrasser de lui. « Rien ! » s'écria-t-il, « elle n'a rien dit. Elle a eu la barbarie de vous laisser pleurer ma mort. Elle a laissé mon vieux père mourir de chagrin. Ah ! C'est qu'elle avait une peur terrible des propos du monde. Elle m'a sacrifié à sa réputation. » « Mais toi, interrompit Louis, pourquoi n'as-tu pas écrit ?»« J'ai écrit dès que je l'ai pu, et c'est par la fourcade que j'ai appris que notre père n'était plus et que tu avais abandonné le pays. »« J'ai quitté Clameran parce que je te croyais mort. » Gaston se leva et fit au hasard quelques pas dans le salon. Il voulait secouer la tristesse qui l'envahissait. « Bast !» murmura-t-il, « pourquoi s'inquiéter de ce qui est passé ? Tous les souvenirs du monde, bons ou mauvais, ne valent pas la plus mince espérance, et Dieu merci, l'avenir est à nous. » Louis se taisait. Il ne connaissait pas encore assez le terrain pour risquer une question. « Mais je suis là que je bavarde, » reprit Gaston. « je parle, et tu n'as peut-être pas dîné ?»« Je t'avouerai que non. » »« Et tu ne disais rien. » »« Mais moi non plus, je n'ai pas dîné encore. » »« Pour le premier jour, j'allais te laisser mourir de faim. » »« Ah, j'ai un certain vin du Cap !» Il se pendit aux sonnettes. En un moment, la maison fut sur pied, et une demi-heure plus tard, les deux frères s'asseyaient devant une table somptueusement servie. La conversation entre les deux frères devait être infinie. Gaston voulait savoir tout ce qui était arrivé après son départ. « Et Clameran ? » demanda-t-il quand Louis eut fini. Louis hésita un moment. Devait-il ou non dire la vérité ?« J'ai vendu Clameran, » dit-il enfin. « Même le château ? » ?»« Oui. » »« Je comprends cela, » murmura Gaston. « Quoique moi, à ta place, là ont vécu nos ancêtres, là aimant notre père. » Mais voyant qu'il attristait son frère. « Bast ! C'est dans le cœur que tu vis le souvenir et non au milieu de vieilles pierres. » Tel que tu me vois, je n'ai pas osé retourner en Provence. J'ai eu peur de trop souffrir en revoyant, en face de Clameran, le pas de la Verberie. Hélas, j'ai eu là les seuls beaux jours de ma vie. La physionomie de Louis s'éclairait. Cette certitude que Gaston n'était pas allé en Provence chassait une de ses plus pressantes inquiétudes. Si bien qu'à 2 heures du matin, les deux frères causaient encore. Et le lendemain, Louis trouvait un prétexte pour courir au télégraphe et il adressait à Raoul cette dépêche. « Sagesse et prudence, suivre mes instructions, tout va bien, bon espoir. » Tout allait bien. Et cependant, Louis, en dépit de ses questions, habituellement calculées, n'avait obtenu aucun des renseignements qu'il était venu chercher. Gaston, si expansif, Gaston qui lui avait confié sa vie entière, en insistant sur les moindres circonstances, n'avait pas dit un mot pouvant l'éclairer. Était-ce hasard ou calcul, préméditation savante ou simple oubli ? Louis se le demandait avec les inquiétudes des gens pervers, toujours disposé à gratifier les autres de leur perversité. À tout prix, et fallut-il se départir de sa réserve, il résolut d'en avoir le cœur net et de voir clair dans l'esprit de son frère. Le moment était favorable, il se mettait à table pour déjeuner. « Sais-tu, mon cher Gaston, commença-t-il, que jusqu'ici nous avons parlé de tout, sauf pourtant des choses sérieuses. Diable, qu'y a-t-il donc que tu prends une mine de procureur ? Il y a, mon cher frère, que te croyant mort, j'ai recueilli la succession de notre père. » Un franc éclat de rire de Gaston lui coupa la parole. « C'est là ce que tu appelles les choses sérieuses ?»« Certainement. Je te dois compte de ta part de l'héritage. Tu as droit à la moitié. »« J'ai droit, interrompit Gaston, de te demander en grâce de clore ce chapitre. Ce que tu as est à toi, il y a prescription. »« Non, je ne puis accepter. »« Quoi ? La succession de notre père ?»« Non seulement tu le peux, mais tu le dois. »« Notre père ne voulait qu'un héritier. Soumettons-nous à sa volonté. » Et croyons apercevoir un nuage sur le front de son frère. « Ah ça » ajouta-t-il gaiement, « tu es donc bien riche ou tu me crois donc bien pauvre pour insister ainsi ?» Louis tressaillit imperceptiblement à cette question à bout portant. « Que répondre pour ne se point engager ?»« Je ne suis ni riche ni pauvre, » fit-il. « Moi, » s'écria Gaston, « je serais presque ravi de te trouver plus pauvre que Job, pour partager avec toi tout ce que j'ai. » Le déjeuner était terminé. Gaston jeta sa serviette et se leva en disant, « Viens, je peux toujours te faire visiter ma... c'est-à-dire notre propriété. » Tout en suivant son frère, Louis était aussi tourmenté que possible. Il lui semblait que Gaston fuyait avec une singulière obstination le terrain des confidences sur lequel il s'efforçait de l'attirer. Son abandon était-il donc une comédie? Les défiances de Louis se réveillaient. Il regrettait presque sa dépêche optimiste de la veille. Mais rien des pensées fâcheuses qui s'agitaient au-dedans de lui n'apparaissait à la surface. Sa figure était calme et souriante, sa voix joyeuse. Il lui fallut tout voir en détail, la maison d'abord, puis les servitudes, les écuries, le chenil, puis le jardin, vaste et bien planté, au bout duquel le gave, sur son lit de cailloux, chantait sa chanson montagnarde. À l'extrémité d'une jolie prairie, se trouvait l'usine en pleine activité. Gaston, qui en était encore aux enchantements d'un nouveau propriétaire, ne fit grâce à son frère ni d'une lime, ni d'un marteau. Il lui disait ses projets futurs, comment il comptait substituer le bois à la houille, faire mieux, réaliser encore des économies, en exploitant des richesses forestières jugées jusqu'alors impossibles à atteindre. Louis approuvait tout. Il applaudissait, mais il ne répondait que par monosyllabes. « Oui, en effet, très bien. » C'est une nouvelle douleur, qu'il lui fallait dissimuler comme les autres, le torturait maintenant. Cette prospérité, dont l'évidence sautait aux yeux, le désolait. Comparant au sien le sort de son frère, tous les aiguillons empoisonnés de la jalousie déchiraient son âme envieuse. Il voyait Gaston riche, heureux, honoré, recueillant le prix de son courage, tandis que lui, jamais il n'avait si cruellement ressenti l'horreur d'une situation qui était son œuvre. À 20 ans de distance, les sentiments honteux et vils qui lui avaient fait haïr son frère revenaient. Cependant, l'inspection était terminée. « Que dis-tu de mes acquisitions ?» demanda joyeusement Gaston. « Je dis, cher frère, que tu possèdes, au milieu du plus beau pays du monde, la plus ravissante propriété qui puisse tenter un pauvre Parisien. Est-ce vraiment ta pensée ?»« Sans restriction. » Gaston eut un geste de joie et une exclamation de triomphe. « Eh bien, frère, s'écria-t-il, cette propriété est à nous, puisqu'elle est à moi. Elle te plaît, ne la quitte plus. Tiens-tu vraiment à ton Paris brumeux? Établis-toi ici, sous ce beau ciel du Béarn. Le luxe étriqué et mesquin de Paris ne vaut pas la bonne et plantureuse vie que tu trouveras ici. Tu es garçon, donc tu es libre. Reste, rien ne nous manquera. Et pour les heures d'ennui, car on ne peut pas rester sans occupation, nous aurons l'usine. À nous deux, ayant des capitaux, nous ferons merveille. Mon plan te convient-il? » Louis se taisait. Ses propositions, il y a un an, l'auraient rempli de joie. Avec quel transport il aurait accueilli les perspectives de cette belle et large distance. Quel repos délicieux après tant de traverses. Il aurait pu, sans crainte, dépouiller le vieil homme, l'aventurier, et redevenir soi. Mais il ne pouvait accepter maintenant, et il le reconnaissait, avec rage. Non, il n'était pas libre, non, il ne pouvait pas quitter Paris. Il avait là-bas engagé une de ces affreuses parties qu'on perd quand on les abandonne, et dont la perte peut conduire au bagne. Seul, il ne put disparaître, mais il n'était pas seul, il avait un complice. « Tu ne réponds rien, » insista Gaston, surpris de ce silence. « Verrais-tu quelque obstacle à mes projets ? Aucun. Eh bien, alors, il y a, cher frère, que sans les émoluments d'une position que j'occupe à Paris, je n'aurais pas de quoi vivre. Et c'est là ton objection, à toi qui, il n'y a qu'une minute, m'offrait la moitié de l'héritage paternel ? Louis, c'est mal, c'est très mal. Ou tu ne m'as pas compris, ou tu es un mauvais frère. » Louis baissait la tête. Gaston, bien involontairement, tournait et retournait le poignard dans la plaie. « Je te serai à charge, » murmurait Louis. « À charge? Mais tu deviens fou. Ne t'ai-je pas dit que j'étais très riche? T'imaginerais-tu avoir vu tout ce que je possède? Cette maison et l'usine ne constituent pas le quart de ma fortune. Je les ai eus pour un morceau de pain. Crois-tu donc que sur une entreprise pareille, je risquerais ce que j'ai gagné en 20 ans? J'ai bel et bien sur l'État 24 000 livres de rente. Et ce n'est pas tout. Il paraît que mes concessions du Brésil se vendront. J'ai de la chance. Déjà, mon correspondant m'a fait tenir 400 000 francs. » Louis tressaillit de plaisir. Enfin, il allait savoir jusqu'à quel point il était menacé. « Quel correspondant ? » demanda-t-il, de l'air le plus désintéressé qu'il put prendre. « Parbleu, mon ancien associé de Rio. Les fonds sont à 7 heures à ma disposition, chez mon banquier de Paris. Un de tes amis ? Ma foi, non. Il m'a été indiqué par mon banquier de Pau et recommandé, comme un homme fort riche, prudent et d'une probité notoire. C'est, attendons, c'est un nommé Fauvel, qui demeure rue de Provence. » Si maître de soi que fut Louis, si préparé qu'il fut à ce qu'il allait entendre, il pâlit et rougit visiblement. Mais Gaston, tout à ses idées, ne s'en aperçut pas. « Connais-tu ce banquier ? » demanda-t-il. « De réputation, oui. Alors nous ferons ensemble très prochainement sa connaissance. Car je me propose de t'accompagner à Paris lorsque tu retourneras y arranger tes affaires avant ton établissement ici. À cette annonce inattendue d'un projet dont la réalisation devait le perdre, Louis eut la force de rester impassible. Il sentait le regard de son frère arrêté sur lui. « Tu viendras à Paris » fit-il. « Toi ?»« Certainement. Qu'y a-t-il là d'extraordinaire ?»« Rien. Je déteste Paris et je le déteste sans y jamais être allé, ce qui est plus fort. Mais j'y suis appelé par des intérêts, par... » Il hésitait. « Des devoirs sérieux. Enfin, mademoiselle de la Verberie habite Paris, m'a-t-on dit, et je veux la revoir. »« Ah !» Gaston réfléchissait. Il était ému et son émotion était visible. « À toi, Louis, » reprit-il, « je puis dire pourquoi je veux la revoir. Je lui ai autrefois confié les parures de notre mère. Et tu veux, après 23 ans, lui réclamer ce dépôt ? Oui, ou plutôt, tiens, non. Ce n'est là qu'un vain prétexte dont j'essaie de me payer moi-même. Je veux la revoir parce que je l'ai aimée, voilà la vérité. Mais comment la retrouver ? Oh, c'est bien simple. Le premier venu dans le pays me dira le nom de son mari. Et quand je saurai ce nom, tiens, dès demain, j'écrirai à Beaucaire. » Louis ne répondit pas. Lorsque les hommes de sa trempe se trouvent tout à coup en face d'une situation imprévue, constituant un péril sérieux, autant que possible ils se taisent. Ils savent l'influence que peut avoir un conseil en apparence insignifiant, et ils évitent de prononcer un mot, avant d'en avoir calculé la portée et bien pesé les conséquences. Avant tout, Louis se gardait de discuter les projets de son frère. Combattre les intentions d'un homme, c'est presque toujours les enfoncer plus profondément dans son esprit. Chaque argument fait l'effet d'un coup de marteau sur un clou. Un homme habile, il détourna la conversation, et de la journée, il ne fut plus question de Paris, ni de Valentine. C'est le soir seulement, lorsqu'il se trouva seul dans sa chambre, que se posant résolument en face de la situation, Louis commença à l'étudier sous tous ses aspects. Au premier abord, elle paraissait désespérée. Certes, depuis 20 ans qu'il en déclarait la guerre à la société, il vivait de son audace, puisant ses revenus aux sources de la crudité et de la bêtise humaine. Depuis 20 ans qu'il côtoyait les principes du code, Louis de Clameron avait eu des heures difficiles. Il avait été pris au jeu, les mains pleines de cartes préparées. Il s'était vu traqué par toutes les polices de l'Europe, obligé de fuir sous un faux nom, de capitale en capitale. Il avait vendu à des lâches son habileté à manier le pistolet et l'épée. On l'avait arrêté, mis en prison, et il s'était miraculeusement évadé. Il avait tout bravé, il ne redoutait rien. Son esprit pouvait concevoir et arrêter les plans les plus criminels. Il était capable de les exécuter froidement. Et cependant, à cette heure, il était sans idée. Et sa confiance, son impudence habituelle, lui faisait défaut. Acculé dans une position qui lui paraissait sans issue, il était prêt de se résigner, à cesser de lutter, à se rendre. Oui, il se demandait s'il ne serait pas sage d'emprunter une grosse somme à son frère et de disparaître, pour toujours. Vainement, il se mettait l'esprit à la torture. Sa détestable expérience ne lui représentait aucune combinaison applicable aux circonstances présentes. Fatalement, inévitablement, il devait être pris entre les événements que lui-même il avait préparés. Interrogeant l'avenir, il n'apercevait que ruines et désastres. De tous les côtés à la fois, le danger menaçait, pressant, impossible à conjurer. Il avait à craindre également et Madame Fauvel, et sa nièce, et le banquier. Gaston, découvrant la vérité, voudrait se venger. Raoul lui-même, son complice, devait, en cas de malheur, se tourner contre lui et devenir son plus implacable ennemi. Existait-il un moyen humain pour empêcher la rencontre de Valentine et de Gaston ? Évidemment, non. Or, l'instant de leur réunion devait être l'instant de sa perte. Abîmé dans ses réflexions, il ne sentait pas le vol des heures. Le jour le surprit, accoudé à sa fenêtre, exposant au vent du matin son front brûlant, et qui lui semblait prêt d'éclater sous l'effort de sa pensée. « C'est en vain, murmura-t-il, que je cherche. Il n'y a rien à faire, rien qu'à gagner du temps, rien qu'à guetter une occasion. » La chute du cheval, à Clameron, disait sans doute ce que Louis entendait par une occasion. Il referma sa fenêtre, se coucha, et si grande était son habitude du danger qu'il s'endormit. Nul pli sur son front, au matin, ne révélait ses angoisses de la nuit. Il fut affectueux, gai, causeur, bien plus qu'il ne l'avait été jusqu'alors. Il voulut monter à cheval et courir le pays. Devenu tout à coup aussi remuant qu'il s'était montré calme, il ne parlait que d'excursions dans les environs. La vérité est qu'il voulait occuper Gaston, l'amuser, détourner son esprit de Paris et surtout de Valentine. Avec le temps, en y mettant beaucoup d'adresse, il ne désespérait pas de dissuader son frère de revoir son ancien ami. Il comptait lui démontrer que cette entrevue, absolument inutile, serait pénible pour tous deux, embarrassante pour lui et dangereuse pour elle. Quant au dépôt, si Gaston persistait à le lui demander, eh bien, Louis avait l'intention de s'offrir pour cette démarche délicate. Il promettait de la mener à bien, et en effet, il savait où étaient les parures. Mais il ne devait pas tarder à reconnaître l'inanité de ses espérances et de ses tentatives. « Tu sais, lui dit un jour Gaston, j'ai écrit. » Louis ne savait que trop ce dont il s'agissait. N'était-ce pas là le sujet habituel de ses méditations? Il prit cependant son air le plus surpris. « Écrit ? » interrogea-t-il. « Où, à qui, pourquoi ? » ?»« À Beaucaire, à La Fourcade, pour savoir le nom du mari de Valentine. »« Tu penses donc toujours à elle ? » ?»« Toujours. » »« Tu ne renonces pas à la revoir ? » ?»« Moins que jamais. » »« Hélas, frère, si tu ne réfléchis pas que celle que tu aimais est la femme d'un autre, qu'elle est mère de famille, sans doute. Consentira-t-elle à te recevoir ? Sais-tu si tu ne vas pas troubler sa vie ? Si tu ne te prépares pas les plus cuisants regrets ? Je suis fou, c'est vrai, je le sais, mais ma folie m'est chère. » Il dit cela d'un tel accent que Louis comprit bien que son parti était irrévocablement arrêté. Cependant, il resta le même, ne s'occupant en apparence que de parties de plaisir. En réalité, passant sa vie à s'inquiéter des lettres qui arrivaient à la maison. Il savait au juste à quelle heure passait le facteur, et toujours, il se trouvait par hasard dans la cour pour le recevoir. S'il était absent, ainsi que son frère, il savait à quelle place on mettait les lettres venues dans la journée, et il courait. Sa surveillance ne fut pas inutile. Le dimanche suivant, parmi les lettres que lui remit le facteur, il en distingua une qui portait le timbre de Beaucaire. Rapidement, il la glissa dans sa poche. Et bien qu'il fût sur le point de monter à cheval avec son frère, il trouva un prétexte pour aller à sa chambre, incapable qu'il était de maîtriser son impatience. C'était bien la lettre attendue. Elle était signée La Fourcade. Elle avait trois bonnes pages et contenait une foule de détails, absolument indifférents à Louis. Mais voici ce qu'elle disait de Valentine. Le mari de Mademoiselle de la Verberie est un banquier très considéré, nommé André Fauvel. Je n'ai pas l'honneur de le connaître, mais je pense aller le voir à mon prochain voyage à Paris. J'ai conçu un projet qui serait la fortune de notre pays. Je me propose de le lui soumettre, et s'il le juge bon, je solliciterai l'appui de ses capitaux. Vous ne trouverez pas mauvais, je l'espère, que je me recommande de votre nom. » Louis tremblait, comme un homme qui vient d'échapper à un immense danger. « Cette lettre entre les mains de mon frère, murmura-t-il, et je n'avais qu'à filer. » Mais sa perte, pour être retardée, n'en paraissait pas moins certaine. Gaston attendra une réponse pendant une huitaine encore, puis il écrira de nouveau. La Fourcade, tout surpris, répondrait sur le champ. C'était, en mettant tout au mieux, une douzaine de jours que Louis avait encore devant lui. Et là, se disait-il, là est le plus pressant danger. Que cet imbécile aille à Paris, qu'il prononce le nom de Clamerand devant le banquier, et tout est fini. En bas, Gaston s'impatientait. « Viens-tu » criait-il à son frère. « Je descends !» répondit Louis. Il descendait, en effet, après avoir serré dans un compartiment secret de la malle la lettre de La Fourcade. Désormais, il était décidé à un emprunt. Ayant une bonne somme en poche, jointe à ce qu'il possédait déjà, il passerait en Amérique et, ma foi, Raoul se tirera d'affaire comme il pourrait. Certes, il était désolé de voir manquer la plus belle combinaison qu'il eût imaginée en sa vie. Mais l'homme fort ne s'indigne pas sottement contre la destinée. Il tire des événements le meilleur parti possible. Fin de la section 18.